cherche dans mes souvenirs. Car beaucoup de choses ont changé, beaucoup de visages m'ont hanté, certains auxquels je n'avais pas pensé. Depuis que je vends des disques et que je les traumatise, beaucoup sont rayés de la liste, ok. Mais à quoi vont négocier pour un amour divorcé, souhaité par l'être le plus cher de ma vie? Et puis pourquoi je vais danser, sachant qu'on m'a forcé à venir ici, on m'a sorti de ma bulle. Pour m'apaiser, maintenant faut l'éveiller. Pour la daronne, maintenant faut déveiller. Et pour mes sœurs, maintenant faut gueuler. Même si il paraît que je suis folle alliée. Et mes ennemis, je les compte par milliers. Donc mes problèmes, je dois les multiplier. Ok, c'est vrai, je suis un petit guerrier. Mais j'ai plus le temps, ils se vident le sablier. Mais je leur donne tout, j'oublie pas la haine, c'est le grand manque de sous. Comme Black M disait, quand tu peux, envoie dis eux. Et si tu peux pas, dis nous, on se débrouillera pour dîner, bah ouais. À force d'en prendre, je sens plus les coups. Je sens plus les coups, non, je sens plus les coups. À force d'en prendre, je sens plus les coups. Je sens plus les coups, non, je sens plus les coups. Mais c'est mort, c'est die, je suis là pour long time. Je suis là pour long time, moi je suis là pour long time, ah ouais. Je suis là pour long time, je suis là pour long time, moi je suis là pour long time. C'est mort, c'est die, je suis là pour long time. Je suis là pour long time, moi je suis là pour long time, ah ouais. Je suis là pour long time, je suis là pour long time, moi je suis là pour long time. J'arrive plus à regarder, je crois que je vais couper les ponts. J'arrive plus à les saquer, je crois que je vais péter les plombs. Je reviens de loin, je marchais pieds nus dans des sentiers. Et quand la haine atteint la daronne pour appeler les pompiers. Et pourtant je l'avais senti, je voyais le rêve s'accomplir. J'étais très loin de prédire mon avenir hypocrite, donc j'ai pété les plombs. Même si la salle est comble, il resterait peu d'amour quand au final je fais les comptes. L'impression que ça va péter, je crois que j'entends le décompte. Les bons amis ne font pas toujours les très bons comptes. Dommage qu'il faille du temps pour qu'enfin je m'en rende compte. On finit jamais heureux avec trois gosses comme dans les comptes. À force d'en prendre, je sens plus les coups. Je sens plus les coups, non, je sens plus les coups. À force d'en prendre,